Camille Lemonnier. Un mâle. Lu par Juliette pour audiocité.net. Chapitre 1er. Une fraîcheur monta de la terre, et tout à coup le silence de la nuit fut rompu. Un accord lent, sourd, sortit de l'horizon, courut sur le bois, traîna de proche en proche, puis mourut dans un froissement de jeunes feuilles. L'énorme silence recommença. Il y eut alors dans l'air une volonté de s'anéantir dans les profondeurs du sommeil. Les hêtres reprirent leur immobilité engourdie. Un calme noya les feuillages, les herbes, la vie qui s'attardait dans l'ombre pâle. Pour un instant seulement. De nouveau, les rumeurs s'élevèrent, plus hautes cette fois. La rigidité des formes dormantes fut secouée d'un frisson qui s'étendit, se posa sur les choses, comme un attouchement de mains éparses. Et la terre trembla. Le matin descendait. Des pointes d'arbres émergèrent dans un commencement de clarté. Une pâleur envahit le ciel. Elle grandit, fut comme une échappée sur le jour qui attendait de l'autre côté de la nuit. Une musique lointaine et solennelle ronflait à présent dans l'épaisseur des taillis. La laiteuse clarté s'épandit bientôt, comme une eau après que les vannes sont levées. Elle coulait entre les branches, filtrait dans les feuillets, dévalait les pentes herbues, faisant déborder lentement l'obscurité. Une transparence aérisa les fourrés, les feuilles criblaient le jour de taches glauques, les troncs gris ressemblaient à des prêtres couverts de leurs étoles dans l'encens des processions. Et petit à petit, le ciel se lama de tons d'argent neuf. Il y eut un chuchotement vague, indéfini dans la rondeur des feuillages. Des appels furent sifflés à mi-voix par les verdiers, les becs s'aiguisaient, grinçaient. Une secouée de plumes se mêla à la palpitation des arbres. Des ailes s'ouvraient avec des claquements lents. Et tout d'une fois, ce fut un large courant de bruit qui domina le murmure du vent. Les trilles des fauvettes se répondaient à travers les branches. Les pinsons tirelirèrent, les palombes roucoulèrent. Les arbres furent emplis d'un négocillement de roulades. Les merles s'éveillèrent à leur tour, les pies garulèrent, et le sommet des chênes fut raboté par le cri rauque des corneilles. Toute cette folie salua le soleil levant. Un ray d'or pâle fendit l'azur, semblable à l'éclair d'une lance. L'aurore pointa sous bois, rejaillissant en éclairs d'étincelles comme un fer passé sur la meule. Puis, une illumination constella les hautes branches, ruissela le long des troncs, alluma les eaux au fond des clairières, tandis que des buées violettes rampaient au bas du ciel. Au loin, une lisière de futaie sembla fumer dans un brouillard rose, et la plaine était toute pommelée d'arbres en fleurs, qui, à chaque instant, s'éclairaient un peu plus. Une tiédeur détendit alors les choses. Les feuillets se déroulèrent, des calices avec un bruit soyeux s'ouvrirent. Une poussée vers la lumière fit bouger les branches d'un mouvement incessant. Les arbres étreignaient le matin dans leurs ramures étendues comme des bras. Subitement, le soleil creva le ciel. Une bousculade sembla refouler l'ombre. La clarté s'épandit par gerbes, par torrents, bouchant tous les trous, débordant à travers les taillis, éclaboussant l'espace de ces ondées magnifiques. Le ras du sol scintilla dans un ensoleillement de rosée. La lumière se haussant par-dessus les cimes, gagna les vergers, les fermes, couvries d'une blondeur vermeille, une large étendue de pays. Maintenant, la rumeur s'augmentait de tous les bruits des nids. Un frémissement ailé battait le bois. Des jacassements attachés d'un arbre à l'autre, des traînées sonores. Les merles sifflotaient, les pies, les bouvreuils, les linottes, les pinsons, les fauvettes, les rouges-gorges, stridaient, susurraient, straitaient, faisaient un surprenant caillotis coupé du croissement prolongé des corbeaux. Et cela montait dans l'air avec des ralentissements, des reprises, des silences tout à coup, suivis d'un tutis d'instruments à l'unisson. Le coucou fila dans cette symphonie sa note grave d'horloge, sonnant la première heure du jour, et aussitôt, de dessous les feuilles, un long bourdonnement s'éleva. Les mouches grises au ventre bleu, aplaties contre les gommes des écorces, les bourdons, sous des orgies de la veille, les gloutonnes abeilles ronflèrent, les ailes détendues. Toute cette grosse sensualité de vie finit par planer sur le paysage, dans la splendeur du matin. Lentement, les nuées violettes se fondirent dans la nacre perlée du ciel, puis le soleil monta, faisant bouillir les sèves et craquer les capsules des bourgeons. Un homme était couché au milieu de cette allégresse de mai, jeune, grand, robuste, les deux mains repliées sous la tête, touchant du dos la terre gardée sèche par son corps. Un sarrau enveloppait son torse sur lequel béait une chemise écrue. Il avait les pieds déchauds, ayant mis près de lui ses larges bottines garnies de clous luisants, et un apaisement profond l'enveloppait. Il dormait du grand sommeil de la terre avant la venue de l'aube. L'énorme torpeur nocturne des bêtes et des arbres s'attardait sur cette silhouette confondue à la nature. Il dormait sans rêve, heureux, tranquille, bercé par les souffles de l'air. Tout à coup, le soleil jaillissant du fourré coula jusqu'à sa masse immobile. Un or roux alluma les halles de sa peau, fit reluire sa barbe noire, lustra ses tétins bruns. Il eut un mouvement, se mit sur le côté, parut se rendormir. Mais le soleil, passant entre ses cils à présent, lutinait sa rétine. Il se dressa sur son séant, et ses yeux gris pleins de ruses s'ouvrirent. Tandis qu'il regardait autour de lui, la terre tiède communiquait à ses membres une volupté. Il luma l'air, les narines dilatées, puis, d'un geste brusque, déraidissant les bras, il se pâma dans un bâillement qui ne finissait pas. Devant lui s'étendait un verger aux pommiers penchés et bossus. Le verger descendait en pente insensible, jusqu'au bâtiment d'une ferme qu'on voyait se masser en carré, la cour au milieu, sous des toits d'ardoises jaunies par les mousses. Des coqs chantaient sur les fumiers, secouant leurs crêtes écarlates, parmi les poules, les pintades et les dindons. Un bruit de sabots battait le pavé le long des étables. L'homme regarda les fumiers, les poules, les murs de la ferme, de sa prunelle noyée dans un engourdissement. La porte charretière était large ouverte, ayant déjà livré passage aux vaches qui remplissaient le verger. Une chaleur montait des purins, confondue à la vapeur qui flottait sur le seuil des étables, et celle-ci laissait passer le mugissement des mères demeurées à la litière et qui subodoraient l'herbe proche des champs. De la fumée tire-bouchonnée du toit. Il se hissa, eut une curiosité machinale de tout voir. Le ciel bleu découpait la rondeur fleurie des pommiers. Une gaieté de bouquets s'épanouissait dans leurs branches roses, posées là par grosses touffes retombantes. Dessous, les herbes hautes se lustraient d'égailles, et une gaze grise très fine noyait les toits, les fumiers, le fond des écuries. Le claquement d'un volet qu'on ouvrit fit tourner les yeux de l'homme vers un point de la maison. Le volet glissa, vert, éclatant de peinture neuve, et sur la pénombre foncée de la chambre, une tête de femme mit sa chair amollie par le repos de la nuit. Alors, L'homme s'avança sur le ventre, jusque sous les pommiers. Il vit la fille de la tête au buste, et la trouvant belle, eut un large éclair dans l'œil. Elle accrochait maintenant les ferrures, ses bras nus au soleil, penchés en avant, et, cette besogne terminée, demeura immobile comme endormie encore, baignée dans la limpidité du jour. Lui se poussa plus près, attiré par l'odeur de sommeil qui flottait autour de l'inconnu. Une rougeur de sang empourprait ses joues pleines, brunies par les soleils. Son cou souple et rond, posé sur des épaules larges, mal cachées par le corsage dénoué. Elle avait l'éclat rude, un peu sauvage des filles de la Wallonie, avec des yeux au regard mordant, et ses cheveux tordus en chignon et penchés sur sa nuque, un flot noir griffé de reflets rouges. L'homme fit claquer la langue en signe d'appel. Elle haussa les sourcils, plongea les yeux dans la lumière verte du verger, le vit debout sur ses poings, le torse tendu, le reste du corps traînant à plat dans l'herbe. Quelque chose d'extraordinaire se passa alors. Il la regardait, ses larges dents étalées, un sourire béé sur sa joue, câlin, humide, et ses yeux semblaient perdus dans un nuage. Une bête s'éveillait en lui, féroce et douce. Elle se sentit convoitée et n'en fut pas irritée. Son regard brun l'enveloppa, hardi et caressant. Et de même qu'il lui souriait, elle laissa tomber sur lui de ses lèvres pourprées un sourire tranquille où il y avait de la reconnaissance. Ce fut comme l'ouverture du jour dans l'espace. Il glissa ce sourire jusqu'à l'homme, mêlé à l'illumination rosée des arbres, à l'étincellement des herbes, à l'ardeur du jour, comme une clarté et un parfum. Et cela dura une seconde, une éternité. Puis tout à coup, la fenêtre se ferma. La fille disparut. Cette chair blanche cessa d'emplir le paysage. L'homme alors retomba, vaincu. Et les pommiers jetèrent sur lui une pluie lente d'étamine qui finit par le couvrir, l'énervant d'une odeur âcre. Le bourdonnement accru des abeilles et des mouches alourdissait l'air. Les arbres oscillaient sous les battements ininterrompus des moineaux piaillant parmi leurs touffes pâles. Au loin, le vent, comme quelqu'un, marchait dans le bois, et sa rumeur profonde, continue, était scandée par le meuglement grave des bœufs. Par moments, une jument s'ébrouait. Des poulains lâchés à travers la cour séparaient avec d'aigres hennissements. La vie se faisait haute, partout. L'homme eut l'air de se réveiller d'un songe. Il étira ses bras, secoua la tête, et lentement se mit debout, cherchant à la revoir. Une femme en jupe courte sortit de l'étable, portant des seaux de lait à chaque main. Un sang bleu fouettait son cou sous ses cheveux, couleur de chanvre. Ses genoux montraient à nu leurs paumes bosselées. Ce n'était pas elle. Il la regarda passer, indifférent. L'autre seule le préoccupait. Puis un homme de haute taille, le père peut-être, sortit de la ferme, se rapprocha du verger. Et il rentra dans le bois, appréhendant d'être découvert. Une clarté vermeille descendait des feuilles et l'enveloppait. Les mains dans les poches, il allait, sifflant entre ses dents. De temps en temps, il s'arrêtait, regardait le vide fixement, coupait une branche ou lançait des coups de pied aux herbes, absorbé. Des merles jabotaient, un pic donnait des coups secs dans le tronc d'un arbre. Une pluie de notes cristallines s'égouttait des ramures. Il ne voyait rien, n'entendait rien, empli d'une sensation confuse de plaisir non satisfait. Et une forme blanche tremblait devant ses yeux. Il n'était pas bien sûr de marcher droit. C'était comme une griserie, et il éprouvait parfois le besoin de fendre l'air d'un geste violent. Il marcha longtemps, heurtant les arbres, nageant à plein corps dans les taillis, frappé par les branches, puis, d'un coup, s'abattit dans l'herbe, sa tête dans ses poings. Il eut une rancune. Pourquoi n'était-elle pas venue dans le verger? Il l'aurait prise par les poignets, lui aurait dit son fait. Non, il l'aurait embrassée seulement. Les filles, ça se prend par la douceur, comme les oiseaux à la glu. Sûrement, il l'aurait embrassée. Et sur ses grosses lèvres rouges encore bien. Grande bête, va! Elle s'était en sauvée. Il battait la terre de son poing, à coups répétés. Voilà pour elle, et toutes celles de son espèce. Il en avait bien d'autres. Les filles qu'on ramasse dans les kermesses sont moins farouches, et souvent aussi jolies. Puis sa folie le reprit. Il revoyait le coin de son épaule. Il pensait au velours de son regard brun. Il était captivé par l'amour qui se dégageait de sa personne noire. Et il s'irritait d'un désir aigu. Il prit de l'herbe, la mâcha, calmant avec cette fraîcheur ses feux lascifs. Autour de lui, le midi lourd assoupissait l'air, semblait endormir le bois dans un charme d'anéantissement. Alors, de même qu'il avait dormi la nuit dans la pâleur des ombres, l'homme dormit un large somme au clair soleil. Les taillis recourbaient leurs voussures glauques sur son front. Une neige d'aubépine pleuvait dans ses cheveux. Il redevint l'époux de la terre, celui pour qui elle dentelle ses feuillages, celui pour qui elle distille la verte odeur du serpolé, de la menthe et de la lavande, celui pour qui elle fait chanter les oiseaux, bourdonner les insectes, couler avec un froissement de soie les sources sous les mousses. Quand il rouvrit les yeux, le soleil descendait à l'horizon. Des rumeurs inintelligibles pour tout autre montèrent à lui du cœur des bois. Il ressentit comme la commotion d'une galopée de bêtes à travers le crépuscule. Le braconnier s'éveillait après l'homme. Mystérieusement, il s'enfonça dans les sentes vertes, un peu plus couvert d'ombre, à chaque pas.